c'est pas de bol, c'est pas le bon quartier. Le héros n'est pas né là, le fric poussé. Mais dès le départ, tu vois qu'il est doué. Y'a qu'un seul problème, c'est lui l'écuyer. Son but dans la vie, devenir chevalier. Il rêve d'argent, de célébrité. Après on te montre des putains de soirées. Sans aucun respect, la jet set fait rêver. On sait d'où on part, où on veut aller. On part de A, c'est la merde jusqu'à B. Y'aura des bastons, plusieurs macabées. Des effets spéciaux et beaucoup de fumée. Y'aura de l'action, de la trahison. Le frère du roi qui sera le félon. Les potes du héros qui ont les bons filons. Et les plus malins qui ramassent le pognon. En de grâce 2003, fil de Pete et d'Air Max. De KB, DP, de 8-6 débouché. Princesse Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, fil de KB, DP. En de grâce 2003, fil de Pete et d'Air Max. De KB, DP, de 8-6 débouché. Princesse Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, fil de KB, DP. La princesse, il la croise en soirée. Il avait rusé pour pouvoir entrer. Le videur disait c'est une soirée privée. Une gorgée de charrette et on l'a décalqué. Ensuite le méchant fait son apparition. Peut-être le héros le faire passer pour un con. En fait ça marche pas, repasse une autre fois. Ici c'est Echo et mon crew elle est ça. La scène suivante se passe dans la rue. Une vieille à caniche, la petite merde pas vue. Gros plan sur le trottoir, le pied à côté. Putain j'ai de la chance, là j'y ai échappé. De combat en combat, nous v'là au château. La voix est posée et mixée en studio. Bruno Lancelot, revienne Camelot. Baisse pour le vie pour ne pas tomber à l'eau. Le vil, le félon, entre en action. Aux oreilles du roi, elle distille son poison. Mensonge, calomnie, déposition. Ensuite pour la nuit, au frais au donjon. En de grâce 2003, fil de Pete et d'Air Max. De KBDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, fil de KBDP. En de grâce 2003, fil de Pete et d'Air Max. De KBDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, fil de KBDP. La baston finale, après l'évasion. Avec le méchant, la confrontation. Il perd son arme, le héros la lui rend. Le héros perd la sienne, personne la lui tend. Au cinéma, il aurait le dessus. Mais y'a un problème, on est dans la rue. La princesse crie, le héros flippe pour elle. Ça devient tendu et la lame étincelle. Armure jogging, tesson de bouteille. C'est la mort du king, ou bien son réveil. Et puis c'est le moment où débarquent les renforts. On a le sourire à plusieurs, on sent fort. Combat final, toujours inégal. Rubrique fait divers, c'est dans le journal. Chevalier moderne, loyal par le passé. En de grâce 2003, film de KPDP. En de grâce 2003, film de Pete et d'Air Max. De KPDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, film de KPDP. En de grâce 2003, film de Pete et d'Air Max. De KPDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, film de KPDP. En de grâce 2003, film de Pete et d'Air Max. De KPDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, film de KPDP. En de grâce 2003, film de Pete et d'Air Max. De KPDP, de 8-6 débouché. Française Jennifer, des textos envoyés. En de grâce 2003, film de KPDP. Yeah.